de sexe. Du verre de l'herbe, un brolique. Ne lui mets pas de fond de teint, sinon il te met un gun sur la tempe. Je fais pas semblant, sanglant, t'es la pente. Le moral sur la détente, j'suis pas sûr de passer le printemps. Les rimes dans l'acide, le suicide c'est l'attente. Droit dans le mur j'y vais, et les autres sauvent en courant. C'est la mélodie du pauvre, non, y'aura pas de main courante. Encerclé, j'vais pas me rendre, j'payave la coupe du trépas. J'suis déjà mort quand tu viens me prendre. J'suis la faucheuse pour les clones. Roi sans courant, colle, souffle, viens cyclone. Y'a de la TNT sur le trône. Sur la tête de mon bloc, j'opère en pino. Y'a la mort en featuring depuis que j'suis môme. Mais j'suis pas une icône ensanglantée sur les psaumes. J'suis né en marche d'humanité empoisonnée sur les mots. Empoisonnée sur l'ensemble. Y'a du plomb dans le dos à l'eau. Faut que tu rendes hommage à mon dos. Si t'as le buzz dans la presse, moi j'ai le buzz dans la thèse. Les gros joints de bœufs, moi son tour dans les caisses. N2S, c'est la thèse qui te passe les baisses. N2S, c'est du rap de thèse. Si t'as le buzz dans la presse, moi j'ai le buzz dans la thèse. Gros joints de bœufs, moi son tour dans les caisses. N2S, c'est la thèse qui te passe les baisses. N2S, c'est du rap de thèse. On plus proche de la fosse que du gros gamos. M'éloigne du gros pave, me rapproche de la garde. L'entrée ventrée à No Man's Land, j'enchaîne de cadavres. Rance-moi lunaire, c'est le ramdam, j'frôle la crise d'asthme. Au tour au chantier, j'remonte l'échafaudage. Rap, c'est pas un métier, imagine De Niro au chômage. On paye des impôts à nos bourreaux, collatéraux sont les hommages. Allez, arrière, latéraux, et mon clic pour le calibrage. Pas ma vie, tu vois, pour émouvoir. Y'a la thèse dans les organes, mon bloc, j'dois pas le décevoir. Y'aura pas le temps de dire peace les man. Même au revoir, trop de pression dans la mâchoire. C'est vivre sur une lame de rasoir acculée. Je me sens encerclé comme Arafat. A découverte, Hassanet. Dans le Sahara, je me déshydrate. Donne-moi juste une date. J'atteins noir Zazak. Qu'on se souvienne que je me suis battu pour payer la zone. Si t'as le buzz dans la presse, moi j'ai le buzz dans la thèse. Les gros joints de bœufs, moi son tour dans les caisses. N2S, c'est la thèse qui te passe les baisses. N2S, c'est du rap de thèse. Si t'as le buzz dans la presse, moi j'ai le buzz dans la thèse. Gros joints de bœufs, moi son tour dans les caisses. N2S, c'est la thèse qui te passe les baisses. N2S, c'est du rap de thèse. J'avoue que cette vie m'ennuie. Éternel conflit en moi, je sais pas si je passerai cette nuit. Quand l'espérance de vie ça me nuise, ma terre promise, prime the pen pour berceuse ou le son de la tronçonneuse. Et je suis pas une donneuse, l'honneur avant le Genèse. Poésie HLM, je suis bon bumène à Gaza, banlieue zard. Je transforme mes rêves en cauchemar. Et j'en ai marre de cette vie de zonard, je largue les amas. Si t'as le buzz de la presse, moi j'ai le buzz de la thèse. Les gros joints de bœufs, moi son tour dans les caisses. N2S, c'est la thèse qui te passe les baisses. N2S, c'est du rap de thèse. Si t'as le buzz de la presse, moi j'ai le buzz de la thèse. Gros joint de bœuf, mon son tourne dans les caisses. N2S, c'est la thèse qui te passe les baisses. N2S,